Chapitre 157. Ce que l'on récite au cours de la prière sur le mort. Il faut dire Allah est le plus grand, le takbir, à quatre reprises dans la prière funéraire. Après le premier takbir, on dit Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puis on récite la Fatiha, la première sourate du Coran. Après le deuxième takbir, on récite la prière sur le prophète. Ô Allah, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Abraham et la famille d'Abraham. Tu es digne de louange et de glorification. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es digne de louange et de glorification. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il ne faut pas se contenter, comme beaucoup de gens le font, de réciter le verset إن الله وملائكته Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, Sourate 33, verset 56, car dans ce cas, la prière sur le prophète n'est pas valable. Puis après le troisième takbir, on prie en faveur du mort et des musulmans en général, en recourant aux invocations que nous citerons par la suite, si Allah le veut. Après le quatrième takbir, on invoque encore Allah, l'une des meilleures prières étant Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense, ne nous éprouve pas après lui, et pardonne-nous ainsi qu'à lui. Le mieux est d'utiliser de longues invocations, contrairement à la pratique de la plupart des gens, comme le prouve le hadith rapporté par Ibn Abi Awfa que nous citerons si Allah Ta'ala le veut. Parmi les invocations à réciter après le troisième takbir, celle rapportée dans les traditions suivantes. 935. Abu Abdirrahman Auf Ibn Malik radiyallahu anhu a dit Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a accompli un jour une prière funéraire dont j'ai retenu l'invocation. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, absous-le, sois clément envers lui, préserve-le, pardonne-lui, accueille-le avec générosité, élargis-lui sa tombe, lave-le avec l'eau, la neige et la grêle, purifie-le de ses péchés comme tu purifies le vêtement blanc de la souillure. » Remplace-lui sa demeure par une demeure meilleure que la sienne, sa famille par une famille meilleure que la sienne, son conjoint par un conjoint meilleur que le sien. Fais-le entrer au paradis et protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah wa aghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. أبو عبد الرحمن أوف ابن مالك رضي الله عنه ajouta J'ai souhaité être à la place de ce mort. Muslim. 936. D'après Abu Huraira, Abu Qatada et Abu Ibrahim al-Ash'hali, selon son père qui fut l'un des compagnons du messager d'Allah, radiyallahu anhum, le prophète alayhi salatu wassalam a accompli une prière funèbre dans laquelle il a dit « Ô Allah, pardonne à nos vivants et nos morts, à nos jeunes et nos personnes âgées, à nos hommes et nos femmes, à ceux des nôtres qui sont présents et ceux qui sont absents. » Ô Allah, celui que tu laisses en vie, fais-le vivre musulman, et celui que tu fais mourir, fais-le mourir croyant. Ô Allah, ne nous prive pas de notre récompense pour avoir prié sur lui, et ne nous égare pas après sa mort. Allahumma aghfir li hayyina wa mayyitina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana, wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna, فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الترمذي selon أبو هريرة الأشحلي et أبو داود selon أبو هريرة et أبو قتادة. D'après Al-Hakim, le hadith rapporté par Abu Huraira est authentique selon les critères d'Al-Bukhari et Muslim. Selon Al-Bukhari, cité par At-Tirmidhi, la version la plus authentique est celle rapportée par Al-Ash'ali et selon lui encore, le hadith le plus authentique concernant ce chapitre est celui rapporté par Abu Abdurrahman Auf ibn Malik, le hadith précédent. 937. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Lorsque vous priez sur un mort, soyez sincères dans vos invocations en sa faveur. » Abu Daoud. 938. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, fit au cours d'une prière funéraire cette invocation. « Ô Allah, tu es son Seigneur. C'est toi qui l'as créé, qui l'a guidé à l'islam, qui a repris son âme, et tu connais mieux que quiconque ce qu'il a dissimulé comme ce qu'il a laissé paraître. Nous sommes venus auprès de toi pour intercéder en sa faveur, alors pardonne-lui. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil-islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'naka shufa'a lahu faghfir lahu. » Abu Daoud. 939. Wathila ibn al-Asqa' radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dirigea la prière mortuaire sur un musulman au cours de laquelle je l'ai entendu dire: ô Allah, un tel fils d'un tel est lié à ton engagement et sous ta protection. Préserve-le donc des épreuves de la tombe et du châtiment du feu. Ta promesse est vérité et tu mérites nos louanges. Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Tu es certes le très clément, le très miséricordieux. Allahumma, inna fulan ibn fulan in fi dhimmatik wa habli jiwarik, faqihi fitnat al-qabr wa azab al-nar, wa anta ahlu al-wafa'i wal-hamd. Allahumma faghfir lahu warhamhu, innaka anta al-ghafur al-rahim. Abu Dawud. 940. On rapporte que Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, prononça quatre takbirs, Allahu Akbar, au cours de la prière mortuaire sur l'une de ses filles. Il resta, après le quatrième takbir, deux fois plus longtemps qu'après les autres takbirs, implorant le pardon d'Allah pour elle et l'invoquant. Puis il dit: « C'est ainsi que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Dans une autre version, il prononça quatre takbirs, puis demeura après le quatrième si longuement dans cette position que j'ai pensé qu'il allait en prononcer un cinquième. Il fit ensuite les salutations finales « Assalamu alaikum » sur sa droite, puis sur sa gauche. Alors qu'il s'apprêtait à partir, nous l'interrogeâmes sur ce qu'il venait de faire. Il répondit « Je n'ai rien ajouté à ce que j'ai vu faire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Ou « C'est ainsi qu'agissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Rapporté par Al-Hakim qui affirme que le hadith est authentique.